Souvenir d'un marchand de tableaux, chapitre 2. Mon arrivée en France, premières impressions. Mes sujets d'étonnement à Marseille. Je fais mon droit à Montpellier. La pharmacie Pététo. Mon premier contact avec Marseille n'avait pas été ce que j'attendais. Marseille, porte de l'Orient, Marseille, la Phocéenne, avait toujours été dans mes rêves une ville féerique. Ce n'est pas ainsi qu'elle m'a paru en débarquant. Je fus, d'abord, un peu ahuri par l'agitation que je constatais autour de moi. Mais je me repris très vite. Après tout, me dis-je, en voyant tous ces passants affairés qui allaient et venaient, ce n'est que la Réunion en beaucoup plus grand. Et, comme si j'étais encore dans mon île natale, où tout le monde se connaît, avisant une femme, je lui demandai où demeurait M. Henri Taillard, et ne fus nullement surpris quand elle m'indiqua sans hésiter le nom de la rue, le numéro de la maison et l'étage. On aura le mot de l'énigme quand j'aurai dit que le hasard avait voulu que je m'adressasse à la propre femme de chambre de mon ami et que je reconnus dans la personne qui servait à table. En route, j'avais eu déjà quelques autres sujets d'étonnement. Ces tramways, par exemple, que je rencontrais toujours bondés. D'où pouvaient bien venir tous ces gens et où allaient-ils? Et, comme c'était étrange aussi, toutes ces cheminées serrées les unes contre les autres sur les toits des maisons. Une de celles-ci, qui attira particulièrement mon attention, était positivement hérissée de tuyaux de tôle, lesquels, avec leurs capuchons tournant au vent, donnaient l'impression d'une assemblée de gens qui se faisaient de petits saluts. Plus tard, devant un tableau cubiste, je me dis « Mais j'ai déjà vu ça quelque part ?» C'était tout à fait mes cheminées de Marseille. Autre étonnement quand j'aperçus, à l'intérieur d'une crèmerie, de grosses mottes de beurre alignées sur des tablettes. Comme j'arrivais d'un pays où le beurre est une denrée très rare et nous venait surtout d'Europe dans des boîtes ou des flacons d'où on l'extrayait à la pointe du couteau, ces grosses mottes qui s'étalaient orgueilleusement me faisaient ouvrir de grands yeux. Encore une surprise, le fil a coupé le beurre. Mais un spectacle qui me révolta positivement, ce fut les petites voitures que je voyais traîner à bras d'homme. Mon enfance avait été nourrie de récits de la case de l'oncle Tom. Je savais bien qu'il n'y avait plus d'esclaves. Et cependant, je voyais des hommes attelés comme des bourricots. Je ne fis que passer à Marseille. Arrivé à Montpellier, mon premier soin fut de chercher une pension en rapport avec ma bourse. J'en trouvai une où, pour 50 francs par mois, on avait, matin et soir, hors d'œuvre ou potage, plat de viande, plat de légumes, fromage, fruits, une demi-bouteille de vin et pain à discrétion. Je connus là un maître répétiteur du collège de Béziers, à qui sa ville natale avait donné une bourse pour préparer l'agrégation. Grand et maigre, le teint rougeau, portant une éternelle redingote, on l'appelait le grand chose. Ses allures un peu compassées, un je ne sais quoi de janséniste, tranchait sur les façons émancipées des autres étudiants. C'est pourquoi un des professeurs de la faculté l'avait recommandé à la patronne de la plus importante maison de rendez-vous de Montpellier, qui cherchait quelqu'un de sérieux pour donner des leçons de culture générale à ses pensionnaires, car cette maison était fréquentée par l'élite intellectuelle de la ville. Mais le grand-chose refusa avec dignité. Je me rappelle son désespoir lorsqu'il échoua à l'agrégation. « Je devrais donc toute ma vie rester pion ?» Mais, dit quelqu'un, pourquoi ne faites-vous pas de la politique? L'interpellé haussa les épaules. Le conseil était bon, cependant, et il devait le suivre. La politique conduisit le grand-chose au Parlement d'abord, à la rue de Grenelle ensuite. C'était M. Louis Laferre qui devint grand maître de l'université. Après m'être assuré le vivre dans cette pension économique, il me fallait songer au couvert. Je trouvai à me loger dans une maison appartenant à un pharmacien nommé Petetto, avec lequel je ne tardais pas à me lier. Ma vie s'écoulait très calme. Ne sortant presque pas, j'aidais volontiers la pharmacienne dans l'exécution des petites ordonnances, les ordonnances sans toxiques qui étaient son lot. En outre, je donnais mes soins aux fleurs d'un petit jardin qui, derrière l'officine, surplombait le chemin de fer. Il s'y trouvait un figuier dont j'avais beau nettoyer les feuilles que les locomotives étouffaient sous la suie. Jamais une seule figue n'arriva à maturité. Monsieur Petetto ne laissait pas de m'en imposer, surtout quand il sortait revêtu de son costume de chasseur. Quelle allure je lui trouvais! À vrai dire, il ne chassait pas, la vue du sang lui faisant horreur. Et si on le rencontrait en ville, le fusil en bandoulière, c'est que, prenant un permis de chasse pour faire comme ses collègues les officiers de réserve, il voulait, en se montrant avec son arme, user du droit que lui conféraient les 25 francs de son permis. Tous les dimanches, nous allions, le ménage Petetto et moi, à travers bois et prés. Je cueillais de petites baies le long des haies. Je faisais des bouquets de fleurs des champs que j'offrais à notre compagne. Une fois, je surpris une poule en train de pondre un œuf que je rapportais, tout fier. Nous respections les fleurs cultivées, mais ce dimanche-là, passant devant une grille dont le faîte était couronné de roses, Madame Petetto jeta un cri d'admiration. Et, comme je me disposais à grimper jusqu'au rosier, « Non, moi !» dit-elle. J'entrecroisai les mains, elle y mit le pied comme à l'étrier, et, sans le vent de terre, elle atteignit une fleur. À ce moment, à travers la grille, nous aperçûmes le maître de la villa. Peut-être nous avait-il vu. Vivement, je dissimulai la rose accusatrice. Le propriétaire du rosier s'avança vers nous et, s'adressant à la pharmacienne, le chapeau à la main, « J'ai, madame, des roses plus belles que celles-ci et que je serai heureux de vous voir accepter. » Nous entrâmes, madame Petetto fort à l'aise, le pharmacien et moi un peu quinaux. En voyant le maître du jardin venir, je m'étais dit inquiet, est-ce que cette poule dont j'ai pris l'œuf n'appartiendrait pas à la villa? Et, vivement, je fourrai l'œuf dans ma poche. Au retour, la pharmacienne avait dans les bras une superbe botte de roses. Moi, je portais l'œuf et le petit bouquet de fleurs des champs. Quelquefois, le dimanche, nous allions déjeuner sur l'herbe. On choisissait un endroit dont la solitude n'était troublée que par le crissement des cigales. Monsieur Petetto, suivi de son chien Picrate, portait le déjeuner. Moi, le dessert dans un petit cabas, et, dans une poche de mon veston, les lettres de mon moulin, dont Madame Petetto avait coutume de nous lire quelques pages. Dans une de ces excursions, comme nous passions devant notre boucher, nous aperçûmes une chèvre blanche. « Oh, la jolie cabrette !» s'écria Madame Petetto tout émue. Et elle demanda au boucher de nous confier la bête que nous lui ramènerions le soir. Il acquiesça. « Seulement, recommanda-t-il, ne la faites pas beaucoup trotter, ça échauffe la viande. » Je pris l'animal par sa laisse et nous poursuivîmes notre route. Or, comme nous passions devant une villa qui portait un écriteau « à louer », la chèvre se mit à bêler. « Elle reconnaît sa maison, » nous dit un voisin. « Elle était aux gens qui habitaient là. Leur médecin avait recommandé le lait de chèvre pour l'enfant. Il est guéri maintenant, et tout le monde est parti hier. »« Jacqueline !» cria à sa femme le pharmacien qui nous avait distancés. La chèvre, en entendant ce nom, tira la laisse du côté de M. Petetot et, l'ayant rejoint, lui lécha la main. Aussitôt, ce fut de notre part, Jacqueline par-ci, Jacqueline par-là, et le gracieux animal allait de l'un à l'autre et faisait fête à chacun. « J'aime de savoir quel a mon nom, » dit Madame Petetot. Nous étions arrivés près d'un ruisseau. L'emplacement était agréable. Nous décidâmes de nous y arrêter. La nappe étalée sur l'herbe et les bouteilles mises à rafraîchir, Madame Petetot me prit des mains les lettres de mon moulin et, après une caresse à la chèvre, elle nous lut, avec tout le sentiment que comportaient les circonstances, la chèvre de M. Séguin. Pendant le déjeuner, nous discutâmes s'il valait mieux, pour un animal, finir par la dent du loup ou sous le couteau du boucher. Madame Petetot, d'une nature poétique, nous attendrissait à l'évocation sinistre de l'abattoir, quand son époux se rappela que le boucher tuait dans son jardin. « Je préfère cela pour Jacqueline, » dit la pharmacienne. Et, s'adressant à la cabrette, « Tu vois, ma jolie, nous t'aimons bien. » La chèvre avança vers nous sa tête faunesque. Balançant son menton barbu, elle semblait dire « Oui, oui !» Un soir, il était plus de 11 heures, je fus réveillée par un grattement à ma porte. C'était M. Petetot, son imperméable boutonné jusqu'au cou. Il faisait un orage épouvantable. « Comment, vous allez sortir par un temps pareil ?»« Il le faut, et comme ma femme a une peur affreuse du tonnerre, j'ai compté sur vous pour lui tenir compagnie jusqu'à ce que je rentre. » Et il partit, escorté de Picrate, lequel ne bondissait pas joyeusement suivant son habitude, mais s'en allait la queue entre les jambes. La pharmacienne ignorait la raison de cette sortie insolite. « Mon mari, qui n'a pas de secret pour moi, est resté là-dessus bouche cousue. Il m'a dit seulement, d'un air mystérieux, que quelque chose de très important se préparait. » Après avoir épuisé plusieurs sujets de conversation, je tombai peu à peu dans un demi-sommeil dont je fus tiré par l'échappement de Picrate et un bruit de chaussures clapotantes. C'était M. Petetot qui rentrait de son expédition. « Comme tu es trempé !» lui dit sa femme. « Oh, je ne sens pas la pluie. Nous avons gagné la partie. Sur ma proposition, mes collègues, à l'unanimité, ont voté la mort de Givaudan. » Je connaissais ce Givaudan. C'était un pharmacien de la ville qui vendait les spécialités au-dessous du prix marqué. Je ne pus me retenir. « Quoi ? Vous allez empoisonner votre confrère ?» Car il me semblait qu'une mort décidée par des pharmaciens... M. Petetot s'était dressé tout pâle. « Nous, des assassins ? C'est par des moyens licites que nous allons terrasser Givaudan. Ce misérable a descendu les pilules suisses et les pastilles Géraudel à 1,15 franc. À partir de demain, nous vendrons carrément à 1 franc. » Plus habitué que moi à l'exagération des méridionaux, Madame Petetot n'avait pas bronché en apprenant que son mari avait voté la mort de Givaudan. Mais, devant la décision de vendre à perte, elle se récria. « Et l'ère des sacrifices ne fait que commencer, » reprit gravement M. Petetot. « Nous avons juré sur le codex de tenir jusqu'au bout. La semaine prochaine, nous attaquerons le sirop patapon. Puis viendront le vin des chiens, le morol, le santal midi, le fer bravé. » Je ne pus connaître l'issue définitive de la bataille, car, juste à ce moment-là, mon père décida que j'irais achever mon droit à Paris.